déteste ta bouche, je déteste tes mains, je déteste ta voix, je déteste ton pull. Promets-moi que tu m'as toujours aimé, promets-moi que tu m'aimeras toujours. La la la la la la la la la la la. Je veux plus tes baisers, plus ta tendresse. Je veux du vide dans mon lit débordé. Dis-moi que tu veux faire l'amour. Dis-moi que tu veux encore faire l'amour. Da da da da da da da da da da da. Je veux quelqu'un m'aime, même si j'aime plus. Je veux quelqu'un m'aime. Je veux que tu taises, je veux du silence. Je veux que tu me laisses, que dans le vide tu balances. Est-ce que tu veux encore de moi? Dis-moi que tu veux encore de moi. La la la. De te prendre dans mes bras, c'est ennuyant de penser à toi. Rassure-moi, je te divertis. Rassure-moi, je ne suis pas un toi. Je veux quelqu'un m'aime, même si j'aime. Quelqu'un m'aime. Je ne viendrai plus lever les yeux au ciel. Je ne viendrai plus faire semblant d'être heureux. Tu peux remballer tes affaires. Tu peux remballer ton amour. La la la la la la la. Je veux que tu m'aimes, même si je t'aime plus. Je veux que tu m'aimes.